Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. En 2030, l'industrie française a retrouvé des couleurs. Bon, la question est là, si je la résume. En fait, cette question telle qu'elle est posée, je me porte à faux parce que la vraie question, c'est pas ça. La question, c'est la persuasion qu'on a de cette industrie. Dans la question, on voit bien que la persuasion, déjà, elle est fausse. C'est-à-dire qu'on sous-entend tout de suite qu'elle n'a pas de couleur. Et c'est plus un problème de persuasion que de réalité. On a une industrie, il y a des couleurs. Maintenant, oui, il y a beaucoup à faire pour continuer à la développer et la maintenir. Je dirais déjà la maintenir et la développer. Donc en 2030, s'il y avait un rêve, effectivement, bah, c'est que je rentre pas dans des questions purement politiques de simplification des démarches administratives qui pèsent beaucoup, de tout ce qui peut bloquer l'entrepreneuriat, de ce qui pourrait aussi le favoriser, hein, notamment sur la succession, sur les boîtes comme nous, ce qui peut être très compliqué, hein, c'est le départ du chef d'entreprise. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.